Gaillard Dominique, Polydor Onema, Tido Senga, Jise Katanga, Nasha Mavoto, dit au genre qui ne se réveille pas tôt, la vie ne leur appartient pas. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Voilà. ¡Era bueno!